Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de l'Instant Économie, le nouveau rendez-vous économique sur Radio Fadjet dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement de l'économie locale. Lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique, aujourd'hui l'immobilier, plus précisément le métier d'agent immobilier, entrecoupé bien sûr de chroniques animées par Francine et Isabelle. Alors bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Une chronique qui va porter une nouvelle fois sur une entreprise locale. Tout à fait, une entreprise que vous connaissez tous, mais je ne vous en dirai pas plus. Eh bien, quand est à Isabelle, tu animeras la partie juridique, n'est-ce pas ? Bonjour Jérôme, tout à fait, je vais vous parler de l'entreprise individuelle. Eh bien, bienvenue donc pour cette nouvelle émission, l'Instant Éco. Alors, l'immobilier intéresse les Français, en témoigne le record de transactions dans l'immobilier ancien avec 1 million de ventes en 2019 et un marché toujours soutenu malgré le contexte de la crise sanitaire. Et puis, il faut évoquer également le succès des émissions consacrées à l'immobilier à la télévision. Alors, pour évoquer le métier d'agent immobilier, j'ai le plaisir d'accueillir Morgane Echevarria, un jeune agent immobilier qui travaille dans une agence nancéenne, l'agence de Boufflers. Bonjour Morgane. Bonjour Jérôme, heureux de participer à la nouvelle émission économique de Radio Fadjet. Eh bien, merci Morgane d'avoir accepté mon invitation. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Comment se porte le marché immobilier à Nancy ? Eh bien, le marché immobilier à Nancy se porte plutôt bien depuis au moins 2 ans. Il n'a pas forcément baissé suite au confinement qu'on a redouté donc entre mars et mai dernier. Au contraire, les projets immobiliers ont tendance à s'accélérer car je pense que les gens ont eu un peu le temps de réfléchir. Alors, est-ce qu'il y a un contexte qui est plutôt favorable ? Effectivement, les taux relativement bas facilitent, on va dire, les acquisitions. Ils sont à quel niveau actuellement, les taux ? Eh ben, moi, dans les dossiers que je peux rencontrer, ça peut aller de 0,90 à 1,70. 0,90 ? Oui. Encore aujourd'hui, pour, là, pour au certains profils bien particuliers, oui. Oh. Mais c'est vraiment du cas par cas. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Alors, il semble que dans le contexte actuel, effectivement, donc, les ménages préfèrent opter pour l'achat plutôt que la location. Alors, est-ce que c'est une réalité également sur Nancy ? Effectivement, c'est une tendance que j'avais déjà remarquée il y a déjà 2 ans, hein, depuis que les taux ont bien baissé. Compte tenu du montant des loyers, par exemple pour un F3, on a des couples en primo-accédant qui arrivent à avoir des échéances de remboursement inférieures à un loyer, par exemple, de 700 euros. Ils peuvent économiser, entre guillemets, 100 euros par mois sur un remboursement de crédit. Et ça semble confirmer donc une étude qui a été menée récemment par MeilleurTaux.com, qui est un courtier en prêt immobilier, qui a constaté qu'en France, en moyenne, il faut 3 ans et demi pour amortir donc, l'achat donc, d'un bien immobilier par rapport à la location. Oui. Donc, une opération intéressante. Alors, je voudrais revenir maintenant sur votre parcours et vous demander, pour un jeune qui souhaite se lancer dans l'immobilier, comment devient-on un agent immobilier ? Alors, il y a divers chemins. Pour ma part, j'ai effectué un BTS des professions immobilières au pluriel, car il y a 3 métiers, transaction, gestion, syndic, qui pour moi sont tous les 3 liés au quotidien. Et ensuite, j'ai effectué, pour me spécialiser, une licence en droit du patrimoine à la faculté de droit de Nancy. Et donc, est-ce qu'on peut créer librement son agence immobilière ? Non, et heureusement, c'est un métier complexe. Quand il est bien exercé, il faut une carte professionnelle donc, pour ouvrir sa propre agence. Alors, une carte professionnelle, alors qui délivre cette carte professionnelle ? Alors, avant, c'était la préfecture et maintenant, c'est la Chambre des commerces et d'industrie. Donc, ça veut dire qu'avec un BTS profession immobilière, hein, qui est donc délivré notamment au lycée Georges Latour à Nancy, on peut obtenir cette carte professionnelle ? Effectivement, on peut l'obtenir. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres diplômes qui permettent d'accéder à cette profession ? Alors, une licence en droit et en économie, normalement, vous donne la possibilité d'ouvrir votre propre agence. Et aussi, aux dernières nouvelles, 10 ans en tant que responsable d'une agence immobilière, en ayant eu donc des responsabilités, vous donne normalement le droit d'obtenir la carte. Alors, Morgane, quelles sont donc les qualités indispensables pour être un bon agent immobilier ? Eh bien, il faut être organisé, flexible sur les horaires. Avoir de l'empathie, aimer se former, car les lois évoluent souvent, très souvent à mon goût. Alors, qu'est-ce que tu entends par flexibilité ? Eh bien, il faut s'adapter aux demandes, aux impondérables hein, du métier, les convocations, par exemple, chez les notaires, ou les convocations d'assemblée générale, de copropriété. Et donc ça vous tombe dessus. Et puis, les clients s'adapter aussi à leur emploi du temps. S'ils vous disent qu'ils quittent à 18h30 et qu'ils ne peuvent pas venir avant 19h, bah, Voilà. Mais donc, vous êtes quand même soumis à la législation des 35 heures. Oui, en théorie. En théorie, voilà. Donc, voilà, il faut donner de son temps, je suppose. Il faut, c'est comme tout, en fait. Chacun est libre de faire comme il veut, mais il n'y a pas de secret. Si on veut réussir, il faut travailler. En effet, oui. Alors, avec le recul, quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées ? Eh ben, c'est une bonne question. Je dirais plus que c'est des difficultés sur des dossiers qui m'ont amené à trouver donc, les réponses à ces problématiques. Donc, c'est plus des problèmes du quotidien, car chaque dossier est différent. Et voilà. Mais il semblerait que pour un jeune agent immobilier, la principale difficulté, c'est la rentrée de mandat. Effectivement, pour démarrer, il faut se créer un fichier donc, de mandat. Qui est, C'est quoi un mandat, c'est-à-dire alors, un mandat, c'est le document juridique qui lie le vendeur à l'agence immobilière. Et avoir mandat nous permet, nous, de commercialiser le bien. En toute légalité, c'est la loi Hoguet. C'est un document indispensable, sans quoi vous ne pouvez pas agir. Voilà, on n'a pas mandat, donc on ne peut pas agir. Voilà. Très bien. Et bien maintenant, nous allons passer à la première pause musicale, l'occasion de découvrir les coups de cœur musicaux de notre invité. Alors Morgane, quel a été votre premier choix ? Eh bien, The Weeknd, Blinding Lights. Alors pourquoi ce choix ? Eh bien, c'est un titre que j'ai entendu tout l'été et qui me plaît bien. Eh bien, très bien. On va retrouver donc tout de suite votre premier coup de cœur. Voilà, c'était donc The Weeknd, le premier coup de cœur de notre invité Morgane Echevarria. Vous écoutez Fadjet. En effet, vous êtes bien sur Radio Fadjet et nous accueillons pour cette émission L'Instant Éco, Morgane Echevarria, agent immobilier donc de l'agence de Boufflers à Nancy, pour nous parler donc immobilier et plus précisément du métier d'agent immobilier. Alors Morgane, je pense qu'à terme, vous souhaitez donc créer votre propre agence immobilière. Oui, en effet, le but, c'est de reprendre l'agence où je travaille, car j'ai contribué à son développement depuis 8 ans maintenant, en créant le service gérance locative et syndic qui n'existait pas à l'origine. D'accord, donc à terme, donc, voilà, vous allez pouvoir gérer en autonomie cette agence. Oui. Bah, c'est très bien, une belle perspective voilà. Après l'obtention effectivement, de votre BTS. Oui. Alors, lorsque l'on veut créer une entreprise, on doit réfléchir au choix d'un statut juridique. Et lors de la première émission que vous pouvez retrouver en podcast sur le site internet Radio Fadjet, Isabelle nous avait parlé du statut de micro-entreprise. Alors, poursuivons cette découverte des différents statuts juridiques avec la chronique juridique d'Isabelle. Alors, rebonjour Isabelle, peux-tu donc nous éclairer sur le statut de l'entreprise individuelle ? Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'entreprise individuelle à partir d'un exemple concret. Ce sera plus amusant et facile à comprendre. Mettez-vous dans la peau d'un entrepreneur. En ce moment, tout le monde a envie de nature, avoir un jardin avec des poules, des chèvres, des ruches. Mais sur le long terme, est-ce qu'on a la capacité de s'en occuper ? Ben voilà votre idée innovante pour votre entreprise. Proposons la location de poulets. Appelons-la Loue un poulet. C'est votre micro-entreprise. Vous avez démarré votre activité de location de poulets en micro-entreprise et paf, le confinement. On est bloqué à la maison et pour remplacer les amis et la famille, vive les poules! Votre activité s'envole. Tout le monde veut des poulets. La micro-entreprise n'est donc plus adaptée. Vous dépassez les plafonds. Il faut choisir une autre structure. Vous pourriez choisir la société, mais dans un premier temps, je vous conseille de conserver le statut d'entreprise individuelle. Ce sera donc l'EI Loue un poulet. Les modalités de création d'une EI sont très simples. Une déclaration au CFE pour son immatriculation pour un coût modeste. CFE, Centre de formalité des entreprises, et non pas Coquelet farci à l'EPO. Hein, Jérôme ? Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire, hein, Isabelle. C'est simple, c'est rapide. Mais attention, il y a un inconvénient. Un seul patrimoine, pas de distinction entre biens personnels et professionnel. Donc, si vous ne payez pas vos factures, si vous gérez mal votre entreprise, on pourra saisir vos biens personnels jusqu'à vos petites culottes. Bon, j'exagère un peu, mais c'est pas loin. Autre inconvénient, c'est que l'entrepreneur individuel est soumis au régime des travailleurs indépendants, donc ne bénéficie pas de la protection sociale des salariés. Faudrait pas choper la grippe aviaire avec vos poulets. Mais bon, il existe quand même des solutions pour éviter ces inconvénients. Tout d'abord, il y a des assurances pour avoir une protection similaire à celle des salariés. Avec l'assurance Assure-moi tout, l'entrepreneur de Loue un poulet est protégé. Autre solution pour protéger ses biens personnels, vous pouvez passer en EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée. Vous allez ainsi protéger vos petites culottes. Peux-tu nous en dire un peu plus sur la protection des biens personnels ? Alors, si on bascule en EIRL, seuls les biens professionnels pourront être saisis. Les créanciers ne pourront pas saisir vos biens personnels, d'où la protection des petites culottes. Mais attention, dans votre entreprise de location de poulets, vos poulets sont des biens professionnels. Donc, ciao, Cocotte, Bella et Rosalie, qui pourront être saisis. Pour basculer en EIRL, il suffit de déposer une déclaration d'affectation au CFE. Donc, d'après ce que tu viens de nous dire, on a tout intérêt de choisir l'EIRL. Oui, tout à fait. Je conseille vraiment l'EIRL car on est mieux protégé. Mais il faut cependant respecter quelques formalités. Un compte bancaire pour l'activité, déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal chaque année. Donc, on en revient à votre EIRL, Loue un poulet. Si l'activité continue à se développer, vous allez devoir réfléchir à un autre statut juridique, la société. Mais là, je vous en parlerai une autre fois, car c'est une autre histoire. Eh bien, merci Isabelle pour cette chronique juridique qui m'a donné une idée de reconversion, hein, au cas où. Et en tout cas, on écoutera donc la suite de ta chronique le mois prochain à travers donc effectivement le concept de société. Passons maintenant à la deuxième pause musicale. Alors Morgane, ce choix porte sur quelle chanson ? Alors, la musique They Don't Care About Us de Michael Jackson. Alors, pourquoi ce choix ? Eh bien, pour moi, c'est déjà un grand artiste et surtout, c'est une musique qui, je pense, touche plusieurs générations en même temps. Très bien, on retrouve tout de suite Michael Jackson. Voilà, c'était Michael Jackson, le deuxième coup de cœur de notre invité, donc Morgane Echevarria. Fadjet, à Nancy, sur 94.2. C'est plus qu'une radio. Pour rebondir sur ma chronique, Morgane, vous avez constaté une évolution de la demande. Les gens demandent plus de maisons, ils souhaitent être davantage à la campagne. Vous avez vu une modification ? Alors pour ma part, compte tenu que j'exerce essentiellement sur le Grand Nancy, la demande en maison avec jardin est toujours constante. Hein, il n'y a pas eu de modification, au contraire, ça s'est peut-être effectivement accentué. Mais après, pour effectivement avoir eu 2-3 exemples en dehors du Grand Nancy, donc si entre guillemets on peut appeler ça la campagne, parce que bon, avec les autoroutes, c'est plus vraiment la campagne, effectivement, ça, on trouve acquéreur assez rapidement. Voilà. Mais je ne peux pas trop développer parce que je vous dis, je n'ai pas trop de biens en dehors du Grand Nancy. Parce que certains vous demandent de l'espace pour mettre un poulailler, par exemple. Oui, oui, ou pour d'autres choses. Hein. Parfois, on voit un peu de tout. Hein. C'est vrai que je ne vais pas rentrer en détail. Mais ah bon ? On peut me demander mais des quoi, choses. Par exemple, alors ? Non, mais voilà, il y en a qui aiment bien avoir de la place pour avoir un solarium, pour bronzer, pas forcément avec un maillot de bain. Mais voilà, on a des demandes un peu particulières. Pas bah, de vis-à-vis. Il ne faut pas oublier voilà. Que dans l'immobilier, c'est le client qui est roi. Effectivement, voilà. il n'y a pas de mauvais projet. Très bien. Et bien maintenant, nous allons passer donc à la rubrique entreprise locale animée par Francine. Alors Francine, aujourd'hui, tu as décidé de nous présenter une entreprise locale dont la renommée est internationale. Et oui, et c'est la célèbre entreprise Clairefontaine qui fabrique des cahiers et du papier. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est une entreprise vosgienne. Il nous a semblé en effet opportun d'en parler puisque la rentrée c'était il y a quelques semaines. Et en plus, on parle de relocalisation des entreprises en France. Et là, en l'occurrence, il faut savoir que 90% des cahiers achetés en France sont fabriqués en France. Ok, 90% des cahiers fabriqués en France, mais pas que par Clairefontaine, non ? Alors, Clairefontaine, c'est quand même le leader sur le marché. Il y a des concurrents, mais ils sont peu nombreux. Il n'y en a vraiment qu'un seul qui est important, c'est le groupe Hamelin avec la marque Oxford, et il est implanté en Normandie. Oxford, Clairefontaine, oui, mais quand je vais en grande surface, je vois d'autres marques. Ben oui, Isabelle, tu as raison, il y a en effet beaucoup de marques. Eh ben, il faut savoir que même s'il y a de multiples marques, ils sont quand même fabriqués, soit par Clairefontaine, soit par Oxford. Alors Clairefontaine, Oxford, on a donc deux entreprises qui dominent le marché. Alors question piège, comment appelle-t-on un marché dominé par seulement quelques entreprises ? Un oligopole, je crois. Eh bien, très bien, Francine. Alors, rebondissons maintenant sur donc, l'entreprise Clairefontaine. On continue, Francine. Eh oui, comme je vous le disais, c'est une entreprise vosgienne située à Étival, Clairefontaine. Et ça fait 160 ans qu'elle produit du papier. Il faut savoir que c'est une longue tradition pour la vallée de la Meurthe, puisque les premiers moulins à papier y ont été créés au XVIe siècle. Et c'est dans cet environnement propice que les papeteries de Clairefontaine ont démarré leur production en 1858. Et depuis, Clairefontaine n'a cessé de se diversifier. Alors on peut citer quelques dates clés. En 1880, l'entreprise fabrique ses premières enveloppes. En 1928, elle va se lancer dans la création de registres de comptabilité et d'agendas. Et ce n'est qu'en 1951, soit un siècle plus tard, que l'entreprise entre sur le marché du cahier. Et maintenant, elle fait partie du groupe Hexaconta Clairefontaine, situé en Alsace, donc toujours dans la région. Le groupe emploie au total environ 550 salariés, ce qui n'est tout de même pas négligeable. Alors, l'entreprise existe donc depuis plus de 160 ans. On dit qu'il est leader, mais à partir de quel moment elle va vraiment dominer le marché ? Alors, même si cette entreprise a connu régulièrement des difficultés, notamment lors des différentes guerres, c'est dans les années 50, avec l'arrivée de Charles Nus, que la marque Clairefontaine va réellement s'imposer avec son célèbre cahier Clairefontaine. En effet, ce cahier est inimitable avec sa couverture vernie et sa réglure violette. C'est également lui qui dote la marque de son logo triangulaire que l'on retrouve sur tous les cahiers que vous pouvez acheter et qui reste un symbole fort d'identification de la marque. Francine, on est d'accord que la matière première pour fabriquer le papier, c'est le bois. Il vient des Vosges ? Eh bien, Isabelle, tu as raison. Pour fabriquer le papier, on utilise des fibres de bois. Mais Clairefontaine ne produit pas ses pâtes à papier. En effet, elle s'approvisionne sur le marché mondial et elle essaie de diversifier ses approvisionnements, ce qui lui permet d'avoir différents fournisseurs et de mieux gérer la qualité de son papier. Elle a en effet différentes provenances, mais elle a des critères qualité importants, notamment ses pâtes à papier qui proviennent à 100% de forêts certifiées pour leur gestion environnementale. Et c'est pas tout, j'en profite aussi pour signaler qu'en plus de la sélection de forêts certifiées, Elle est très attentive à la maîtrise du volume et à la qualité de l'eau utilisée. Elle a sa propre station d'épuration biologique, ce qui lui permet de retraiter immédiatement l'eau utilisée. Cela lui a même valu un trophée de l'eau décerné par l'État et un prix du ministère de l'Environnement. Alors, c'est très intéressant tout ça, mais je me pose une question. J'ai ma fille qui vient d'être équipée d'un ordinateur au lycée. Et donc, tu nous parles de papier et de cahier, mais est-ce que ce marché a encore de l'avenir ? Bah, tu as raison, on peut se poser la question. Mais justement, le groupe s'est sûrement interrogé sur ce problème puisqu'il s'est diversifié en rachetant d'autres marques. Alors, par exemple, en 2014, PhotoWeb, qui propose des tirages photos commandés par Internet et livrés à domicile. On a aussi en 2016, LalaLab, qui est la première application d'impression de photos sur smartphone. Donc pour conclure, on peut quand même dire que Clairefontaine, c'est un bel exemple d'entreprise locale, puisqu'elle a su assurer sa pérennité, innover en permanence et a toujours su quand il fallait se diversifier. Eh bien, merci Francine pour cette présentation de Clairefontaine, entreprise vosgienne, leader sur le marché du papier et 160 ans de présence dans les Vosges. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir comment on fabrique donc un cahier, il est possible donc d'aller visiter l'entreprise. Eh bien, maintenant, passons à notre dernière rubrique, quiz économique. On se retrouve tout de suite. Et oui, pour terminer, donc un petit quiz sur l'actualité économique. Alors, Morgane, Francine et Isabelle, soyez attentifs, je vais vous poser quelques questions. Je vais vérifier si vous êtes présent à ma chronique du vendredi matin sur la matinale de Radio Fadjet. Alors, quel est le nom de la société dont la capitalisation boursière a dépassé cet été le cap des 2000 milliards de dollars ? C'était Tesla, non ? Non, c'est pas Tesla qui a connu effectivement un vrai rebond cet été. Zoom ? Non, c'est pas Zoom. C'est la première capitalisation mondiale. Ah, mondiale ! Mondiale, hein, 2000 Amazon, milliards, c'est énorme. Amazon. C'est pas Apple ? Non, c'est effectivement Apple, qui a donc dépassé ce seuil, un chiffre colossal, 2000 milliards. Il faut savoir que le CAC 40, hein, vous connaissez, on l'avait évoqué lors de la première émission, quand on additionne la valeur des 40 sociétés du CAC 40, on n'atteint même pas 2000 milliards. Donc une seule société, Apple, atteint ce chiffre. Énorme. Alors quel est donc ensuite l'homme le plus riche du monde en termes de capitaine d'industrie ? Jeff Bezos. Très bien, Jeff Bezos, Morgane. Effectivement, on ne dira plus désormais riche comme Crésus, mais riche comme Jeff Bezos, qui atteint effectivement la fortune de 200 milliards de dollars, suivi de très loin par Bill Gates, 124 milliards, et Mark Zuckerberg avec 115 milliards. Mais Jeff Bezos aurait pu être beaucoup plus riche s'il n'avait pas dû divorcer donc de son ex-femme, qui a obtenu quand même 25% de sa fortune. Ah ben... Alors, autre question, quelle est cette société qui a profité de la période de confinement et qui a vu bondir ses bénéfices semestriels de 3300%? C'est pas Loup un poulet? Ah non, c'est pas Loup un poulet. Alors Zoom, peut-être? Eh bien oui, effectivement, c'est Zoom effectivement, qui a vu le nombre de ses utilisateurs donc, exploser. Donc Zoom, c'est une société qui propose de la visio. De la visioconférence. Et qui est américaine. Et qui est américaine. Et puis, dernière question, Conforama est en difficulté. Et cette semaine, on a annoncé donc son rachat par quelle société ? But. Eh oui, But, effectivement, qui devient effectivement donc le nouvel acquéreur de Conforama. Et le nouvel ensemble devient le nouveau leader. Eh bien, voilà, ainsi donc s'achève donc cette émission, l'Instant Éco. Morgane, merci effectivement d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et puis donc Isabelle et Francine, on se retrouve j'espère donc dans le mois prochain pour de nouvelles chroniques à la fois sur les entreprises locales et sur la partie juridique. Avec plaisir. Oui. Eh bien merci à tous, n'oubliez pas de rester fidèles à Radio Fadjet.